Le D.O.N. pour les miens je prie et pour les miens je brille. La base de mon rap vient du pôle Nord 93 au père. C'est sur les chairs que je graverai mon place au fer. Si tu sors ton harpon, faut pas rater le requin. Et si on se passe, c'est dans les traditions du karaté de Pékin. Je veux cette arme secrète que les soviets fondent. Dans cette forêt je suis en vie grâce à ma ruse de Viet Cong. C'est bizarroïde, genre de mon ovni avec les deltoïdes gonflés. Un kalachnikov de Bosnie, je suis le maréchal en style libre au bord des maréchaux. De la chapelle Italie, trop de cadavres pionce dans le réchaud, dans le désert. C'est l'exode avec mes chameaux. Masta Air brodé en lettres capitales sur le chapeau. J'ai craché dans le ciment pour faire des briques de mon LP. Je me suis battu, regarde-moi tout sang sur mon épée. Je m'occupe plus de ces nuages, de ces mauvais présages. Je vais tout niquer, point final, c'est mon dernier message.